Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture, où aujourd'hui nous allons parler enfants et souvenirs d'enfance avec Jean-Michel Vecle. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Je suis vraiment très très très honorée que tu aies accepté cette invitation. Je sais que tu as un agenda bien rempli. Et aujourd'hui je te reçois non pas pour tes premiers talents, la musique, mais pour un livre pour enfant, Mon chouette papy, que tu as donc écrit avec Philippe Roussel et qui a été illustré par Delphine Aubry. Voilà. Alors, ce livre, moi je l'ai ouvert, je me suis dit c'est un livre pour enfants. Il est fait d'ailleurs pour les enfants. Oui, bien sûr. Mais ce livre a un petit côté un peu intemporel. C'est-à-dire que moi j'ai eu la nostalgie de mes grands-parents et des vacances que je pouvais passer chez mes grands-parents. C'est une histoire de famille. Voilà, oui. T'es d'accord. Alors, pourquoi ce fragment d'histoire? Qui est la tienne? Eh bien, en fin de compte, si on remonte un petit peu l'historique de tout ça, c'est que j'ai 3 enfants et à chaque naissance de mes enfants, j'ai leur ai écrit une comédie musicale. Et puis donc, je suis l'heureux grand-père d'une petite fille qui a maintenant 4 ans et je m'étais dit, il faut que je fasse quelque chose pour elle. Et j'ai dit plusieurs projets avec justement Philippe Roussel qui lui a écrit énormément de choses pour les enfants. Et bien que je sois musicien, c'est ma passion, c'est ma vie, je me dis, les textes, c'est pas trop mon truc. Donc je me suis adressé à Philippe en lui disant, écoute, est-ce que tu pourrais m'écrire des textes qui a comme thème la relation entre un grand-père et sa petite-fille. Et Philippe me dit, oh bah oui, ça m'intéresse. Et puis peut-être, allez, on va dire, 3 semaines plus tard, il m'envoie 17 textes. Ah oui, il était très intéressé. Très intéressé. Et à partir de là, il a fait quelque chose. Il me dit, écoute, il me dit, je te propose un truc. Il me dit, au lieu de faire un truc entre toi et ta petite-fille, je te propose de faire quelque chose entre, en fin de compte, les relations d'un grand-père, mais de multiples grands-pères, ouais. C'est-à-dire un grand-père Alzheimer, un grand-père rêveur, un grand-père... Parce qu'on se retrouve dans ce livre. Voilà. Moi, je l'ai lu avec beaucoup d'émotion. Alors toi, tu parles des jeudis. Le premier chapitre, par exemple, c'est les jeudis chez Mamie Papy, parce qu'avant, c'était pas le mercredi, c'était le jeudi. Moi, j'ai connu l'école le samedi matin. Bien sûr, oui. Si. Et je trouve que, voilà, moi, ça me faisait plein de flashs avec mes 4 grands-parents et ce qu'on faisait, etc. Bah oui, bon, oui. Je spoile pas tout. Parce bah que, non. Voilà. Et j'ai trouvé l'idée géniale de pouvoir remettre ça dans un contexte qui était notre jeunesse à nous, quoi. D'un seul coup, nous, ce qu'on avait connu par rapport à nos grands-parents, etc. Ces trucs qu'on allait chez eux, et pareil, où il y avait le truc des gâteaux, etc. Et puis, c'était pas du tout comme chez les parents, voilà. Moins d'intérêt. Les petits secrets partagés. Voilà, oui, c'était génial de pouvoir aussi remettre les gens dans ce contexte qui, après, bon, c'est un petit peu des nostalgies de, ouais, on va parler d'époque, mais d'un seul coup, de leur dire, bah, il y avait ces moments-là aussi avec 20 ans, 40 ans en arrière, quoi, des grands-parents, des relations, des grands-parents, des enfants. Alors, justement, ce livre a une particularité, c'est-à-dire qu'à chaque épisode, on a les paroles d'une chanson. Et d'ailleurs, il y a le CD à la fin. Alors, déjà, j'allais dire comment tu les composes, mais c'est Philippe Roussel qui les a composés. Mais surtout, quand tu as écrit ce bouquin, toi, tu as convoqué des souvenirs personnels. Ah oui, complètement. Alors, ce qui se passe souvent dans les compos, c'est que Philippe m'avait écrit les paroles. Je lui avais dit, alors, comme Philippe est un multi, il m'avait dit, si tu veux, je te fais les mélodies. Alors, je dis, c'est pas que je veux pas, mais je dis, moi, ce que j'ai envie d'apporter mon propre truc. Et Philippe, en fin de compte, il m'a quand même envoyé des musiques en me disant, parce que moi, j'ai besoin de chantonner les trucs. Il lui faut un support musical. Voilà. Et puis, moi, j'ai ce truc qui a toujours été, c'est que. On me donne des paroles et tout de suite, quels que soient les gens avec qui j'ai bossé, quelque chose qui vient, ça vient et puis voilà. Donc c'est sorti un peu comme ça. Je veux dire que du moment où il m'avait envoyé les textes, les musiques, je les ai écrits en 2 semaines. Ah ouais. Mais d'ailleurs, tiens, la musique, c'est de toujours. Ouais, c'est toujours. Oui, depuis tout petit. Ah oui, depuis tout petit. Oui, ça date de mon père était un ouvrier. Je suis un fils d'ouvrier et comme beaucoup à cette époque-là, c'est tout ce qui était papier, etc. Le faisait. Il allait voir une personne qui était à l'Univille, qui était un monsieur, qui était un intellectuel. Et cette personne-là jouait du piano et sa femme jouait du violon. Et chaque fois que j'allais avec mon père, parce qu'il avait des trucs à faire, soit pour les impôts, etc. Et je suppose, comme tout enfant, je voyais un piano, je tapais dessus, etc. Puis il disait à mon père, mais ton gamin, il faut que tu lui fasses faire de la musique. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et parce à l'époque, que dans le milieu ouvrier à l'époque, ouais. La musique, c'était juste un loisir de riche ou de fortuné. Alors mon père avait aussi un truc, c'était qu'il était passionné d'accordéon. Genre, j'ai fait de l'accordéon plus tard, mais la première école de musique où j'ai été, que c'était pas vraiment une école de musique, c'était un Creusot qui existait dans le Grand Aix, ouais. Qui existait beaucoup, c'était les harmonies municipales. Oui. Et il m'avait inscrit dans une harmonie qui n'existe plus à Nancy, qui était une des deux seules harmonies qui existaient à Nancy. Il y avait l'harmonie d'Ancène et il y avait une autre harmonie qui s'appelait la Vaillante Saint-Fiacre, qui était située aux Trois Maisons, rue Solignac. D'accord. Et c'est là qu'à 5 ans, mon père m'a inscrit à cette harmonie-là. À 5 ans, et c'est là que tu rencontres l'amour de ta vie. Voilà. Les mômes, donc on fait des trucs, donc voilà, je participe à ça. Puis au bout d'un moment, pareil, le directeur, pas le directeur, mais le chef de musique, comme on les appelait à l'époque, au bout de 3 ans, a dit à mon père, mais ton fils, il faut l'inscrire au conservatoire. Et c'est comme ça que je suis rentré au conservatoire et fait partie des premières horaires aménagés, que maintenant qui s'appellent les Chimes. Oui. Donc c'était, enfin pas les premières, je crois que c'était les deuxièmes, en 69. Donc je suis rentré en 69 en 6e, en horaires aménagés. Donc il y avait, c'était au lycée Poincaré, et le conservatoire avant était juste en face rue Chanzy. D'accord. Donc voilà. Et mon premier déclin vraiment de ce truc-là, c'est justement en 69, à la classe, il y a un grand élève qui m'avait un peu ébloui. J'étais inscrit à la classe de trompette, à la classe de monsieur Dino Tomba, et qui me disait, mais toi, il m'a fait découvrir un peu le jazz, et il me dit, mais il faut absolument que tu ailles voir un concert. Je ne me rappelle plus le mois, mais c'était en 69 à la Salle Poiral. Puis moi, à l'époque, j'avais 11 ans. Je lui dis, oui, mais c'est le soir, mon père ne voudra jamais me sortir. Il me dit, mais je viens de chercher, j'en parle à ton père. Et mon père, qui était quelqu'un d'assez rigoureux, etc., ouais. Je ne sais pas pourquoi. Il a dit oui. Et je crois qu'il n'aurait pas dit oui, je pense que je ne serais peut-être pas en face de toi aujourd'hui. Ouais. Et en 69, qui est-ce qui vient à Salle Poiral? C'est Duke Ellington. Oh. Il ne pouvait qu'aimer le jazz. Et là, mes 11 ans, je me rappelle de ça, j'ai dit, c'est ça. C'est le truc, c'est ça. Et à partir de là, j'ai toujours eu ce truc de me dire, waouh, je crois que c'est la première émotion, mais vraiment émotion. Très forte. Très forte. Ouais. Très forte. Je me dis, waouh. Pour moi, c'était des. Je me rappelle encore de voir, parce que c'était déjà des gens qui avaient un certain âge, c'était avec les noms prestigieux de ce qu'ils ont fait l'orchestre de Duke Ellington, c'est-à-dire Johnny Hunge au sax alto, Sam Woodward à la guitare, Cat Anderson à la trompette, qui jouait. La trompette, faut savoir que ça a une tessiture, c'est-à-dire une capacité de note qui était restreinte à l'époque en Europe, c'est-à-dire qu'on allait jusqu'à ce qu'on appelle le contrut. Alors c'est un peu technique, mais c'est une note aiguë. Et lui, il faisait carrément une octave au-dessus, donc qui était quelque chose d'inimaginable pour nous, trompettistes européens. Et lui, eux, ils avaient développé déjà des techniques instrumentales qui allaient faire évoluer l'instrument, etc. Donc moi, j'étais comme. Je suis sorti de là, j'étais. Ouais, j'imagine. Alors, on va faire une première coupure musicale de ton choix, Jean-Michel. C'est Tutu de Miles Davis. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi ce choix? Parce que Miles, pour moi, fait partie de ces gens qui ont fait avancer la musique, notamment le jazz. Mais il est depuis les années 45, où il a émergé à l'époque du bebop, il a remplacé Dizzy Gillespie et Charlie Parker. Il a été à la tête de tout. Les grandes différences de jazz. Il était à l'époque du cool jazz après les années 50, tout ce qui est les musiques de polar américain, ouais. C'est Miles, quoi, hein. Notamment avec ce film français qui s'appelle Ascenseur pour échafaud, ouais. Où c'est Miles, et après le jazz rock, et tous les gens qui ont fait cette musique ont été quelque part un jour avec Miles, parce qu'il avait ce génie de dire, oh toi, viens avec moi, et puis on va, et jusqu'à la fin de sa vie, quand on écoute le dernier album de Miles, c'est du rap, quoi. Et d'un seul coup, il est l'innovateur de, moi je pense qu'il y a deux gens dans le jazz qui l'ont fait évoluer, lui et Herbie Hancock. C'est vraiment des gens qui ont fait évoluer cette musique, et puis qui ont donné des ramifications sur plein de trucs, quoi. Eh ben, on écoute Miles Davis avec Tutu et on revient juste après. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture, toujours avec Jean-Michel Vecle, qui apparemment se sent bien, parce qu'il est resté avec nous. Oui. Donc, pour ton livre, Mon chouette papy, alors un livre jeunesse avec des musiques. Ouais, des musiques. Le CD à la fin. Le CD à la fin. Et puis, moi, je trouve qu'il n'est pas que pour la jeunesse, qu'il est aussi pour toutes les générations. Bah oui, je trouve que c'est un petit peu à regard. C'est chouette. Vu mon grand âge maintenant. Tu as relevé le défi qu'il soit apprécié par toutes les générations. Et puis ce qu'on voulait aussi avec Philippe, je crois qu'il est important. Alors, ce qui est important pour nous, ce n'est pas non plus une critique. J'ai voulu aussi que ça soit fait avec des vrais musiciens. Oui. C'est-à-dire qu'il y a énormément de disques maintenant qui sont faits. Et c'est bien, parce que d'un seul coup, il faut toujours être dans l'actualité, dans ce qui se passe, dans le fait de... alors j'ai plein de potes à moi qui me disent « Ouais, maintenant, l'informatique, tout ça. » Mais oui, mais on ne peut pas le contourner. C'est comme si, à l'époque, quand le train arrivait, qu'il y avait les choux, on disait « Ah oui, mais le train, ce qui a eu lieu. » Et on ne peut pas aller contre... Le progrès. Donc, il faut l'adopter. Mais t'aimes bien les fondamentaux. Mais d'un seul coup, je trouve, j'avais envie. Et puis, j'ai la chance d'avoir toute l'équipe de gens qui participent. C'est des amis à qui j'avais dit, j'ai un projet, je fais ça. Et ils m'ont tous dit, on vient. C'est chouette, hein. Alors, justement, Jean-Michel, moi, j'avais très envie qu'on parle de la décoration ou l'honneur. Ouais. Tu as reçu la médaille de chevalier des arts et des lettres en 2023. Ouais. Moi, j'ai moi-même pu assister à cette remise. J'étais dans le public, Jean-Michel. Je trouve que c'est une reconnaissance incroyable. Ouais, c'est vrai. C'est moi qui le pense, mais pour toi, est-ce que c'est l'aboutissement de quelque chose ? Ça a été dur d'arriver où t'en es aujourd'hui avec la musique, avec... Tu connais énormément de monde, énormément de gens te connaissent. Ouais. Je veux dire, on dit Jean-Michel et derrière, c'est Vecle qui arrive tout de suite, tout le monde le sait. T'as consacré toute ta vie à la musique. Ouais, tu continues. Je continue, je continue. Quand tu reçois cette médaille... Alors, je revois ta tête et en fait, t'as pas bougé un cil. Ouais. T'es tellement humble... était tellement simple, c'est-à-dire que tu es à la portée de tout le monde. Mmh. Et c'est quand même une reconnaissance, moi, je trouve incroyable. Alors, quand j'ai appris ça, j'ai même été gêné. J'ai été gêné parce que d'un seul coup, je me dis, bon, bah oui, moi je fais ça, mais il y a tellement de gens qui font des trucs magnifiques et qui... alors moi, je pense que j'ai une petite... Enfin, quand je dis une petite chance, après, c'est... je le dis avec mes mots, c'est que quelque part, j'ai eu cette reconnaissance parce qu'il faut... C'est comme tout, souvent les récompenses, comme la Légion d'honneur, etc. Ouais. Il faut être parrainé par quelqu'un. Oui. Donc moi, j'ai été parrainé par Hervé Ferron. Ouais. Avec qui, qui est un ami de longue, longue date. Vous connaissez de quasi toujours. Quand je dis ami, c'est vraiment... Un ami, c'est vraiment... Au sens premier du terme. Là, on a eu des on, comme tu connais Hervé, il a eu un parcours culturel. Et moi, j'ai été là très souvent dans tout ce qu'il a fait. Parce qu'on avait enregistré un disque en 82, puis on a refait l'exploit. Et puis d'un seul coup, c'est lui qui... je l'avais invité à la maison, puis d'un seul coup, à la sortie avec Agnès, sa femme, il m'a dit, mais c'est vrai que Jean-Mi, en fin de compte, il a toujours travaillé dans l'ombre. Et puis, avec ses connaissances, donc il m'a proposé. Et quand j'ai reçu ce courrier chez moi, je me dis, mais c'est quoi ça? Ouais, mais moi, je trouve ça chouette. Et comme mon épouse était dans la confidence, elle a rigolé, elle m'a dit, bah oui, Hervé m'a appelé pour me demander des trucs. Ouais. Et c'est vrai que ce jour-là, j'étais très ému. Et oui, j'étais pas gêné, mais je me disais, bah oui, c'est bien, je vous remercie. Mais il y a tellement de gens qui font des choses. Et c'est bien, ce que je trouve bien dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, t'es beaucoup dans l'ombre, ça n'enlève rien à ton talent. Et bah pour une fois, c'est toi qui es dans la lumière. Moi, je trouve ça super chouette. Mais c'est ce que je vais aussi toujours essayer de faire, c'est que souvent, comme je suis encore pédagogue, etc., c'est d'essayer de dire aux gens, surtout dans ces milieux artistiques, qui est la musique, je trouve que c'est encore pire dans le sport, c'est quand on fait ça, c'est souvent je me demande pourquoi ils font ça. Hélas, enfin quand je dis hélas, je ne sais pas si je dis non, hélas. Mais je comprends ce que c'est, tu veux c'est dire. Toujours, mais moi je veux devenir connu ou je... C'est pas, enfin, c'est je... pas ça, le truc. C'est pas, c'est... Alors, je pense que c'est aussi important, parce qu'encore une fois, ça fait partie de... Oui, mais faut pas que ce soit la motivation première. Voilà, faut pas que ça soit la motivation première. Ouais, c'est le truc de dire, bah, moi, j'ai vu ça, moi. Et c'est pareil, les questions que je demande toujours, c'est qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu as vu, alors, ou qu'est-ce que tu écoutes, et souvent, les réponses de tout. Et je leur dis souvent, tu sais, pour moi, de tout, c'est de rien. Parce que c'est de tout, c'est vrai que l'Internet, tout ça, c'est quand même génial, parce que en 30 secondes, tu peux écouter quelque chose. Et t'as tout, puis maintenant, avec ChatGPT, etc., maintenant, t'as tout. Et puis après, il faut arriver après à dégager les trucs, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a... faut trier un petit peu dans les choses, et surtout aller vers des choses qu'on se dit, moi, j'aime pas. Parce que c'est bien de... Je trouve que l'important, c'est de plus de connaître ce qu'on n'aime pas pour arriver à trouver ce qu'on aime. Alors moi, j'ai un truc, un credo, qui va rejoindre le tien, c'est... Restons curieux de tout. Ah là là, bien sûr. Moi, je suis une curieuse née, pas de la curiosité malsaine. Non, mais oui. Alors moi, c'est la lecture, les auteurs, tout ça. Donc moi, c'est ça. Mais même ce que j'aime pas, je vais voir. Oui, ce que je préjuge ne pas aimer, parce que quelquefois aussi, on se fait surprendre. Oui, bien sûr. Non. Voilà. Ah, et restons curieux. Il faut que les gens restent curieux. Mais souvent, surtout dans notre époque, les gens se renferment un peu sur eux. Et c'est dommage. Oui, puis surtout dans les métiers de la musique, la peinture, tout ça. Si t'es pas curieux, tu peux pas. Tu peux pas, quoi. Tu peux pas. Si tu vas rester à faire les trucs. Après, il y a des autres trucs. Qu'il y a des gens qui sont connus dans son truc-là, puis qui sont à fond dans leur truc. Mais je pense que ces gens-là écoutent quand même les autres choses. Même si c'est comme un écrivain, il lit forcément les autres pour s'inspirer. Ah, oui, sinon, c'est pas la peine. Je pense que, en tout cas, je parle personnellement, ce qui m'a enrichi, moi, c'est les rencontres diverses de tout ce que. Comme j'ai mon studio avec qui j'enregistre j'essaye de toujours collaborer à des choses que je connais pas et des tout qui me paraît moi. Et puis, c'est hyper challengeant. Ouais, ça te sort de ta zone de confort. Voilà, puis, par rapport à toute l'évolution, par mon moment donné, quand le rap est arrivé, alors pareil, la première chose, c'est, on se dit, oh, pff, j'aime pas, c'est pas mon truc. Puis d'un seul coup, on se dit, mais ça, quand même, il y a, je sais pas combien de gens qui écoutent ça. Ça veut dire que ça. Il y a quelque chose derrière. Quelque chose. Donc, ouais. Donc je me suis mis à écouter, et puis j'ai participé 2-3 fois à des trucs. Et un des derniers trucs que je fais aussi à l'heure actuelle, c'est avec quelqu'un que j'admire énormément, que tu connais peut-être, qui s'appelle Didier Manuel. Je connais de nom. Qui a été le grand révélateur de Materia Prima, okay. Et puis du Totem à Nancy, ouais. Qui lui est carrément un truc underground. Ma deuxième fille Diane a fait partie de sa troupe, et qui est quelqu'un qui a une culture monstrueuse, qui est tout sur l'électronique, la musique techno, etc. Et d'un seul coup, moi, c'était un truc qui me rebutait un peu. Et en collaborant avec Didier, parce que comme j'ai été aussi prof de son à Deneau, je l'avais invité comme jury, parce que culturellement parlant, c'est vraiment un puits de science. Ouais. Ouais. Et d'un seul coup, on mutuellement, on s'apprend des choses. Il me dit, mais toi, tu m'as appris ça. Et je dis, mais oui. Génial. Mais et moi, je trouve que l'aboutissement culturel, c'est ça. C'est le partage du truc. Ouais. De dire, moi, je t'apprends ça. Quand, sans être dans le truc, moi, je t'apprends, toi, tu m'as. Mais le fait de travailler ensemble, on s'apprend. Mais ça, c'est. Mais, bah, voilà. C'est... Et on sent que ça te. Alors, Jean-Michel, justement, peux-tu nous dire. Alors, je sais que tu fais plein de trucs. Les 10 doigts de la main n'y suffisent pas. Peux-tu nous donner un projet en cours? Allez, un. Un projet en cours, alors, un projet en cours, j'avais, alors, notamment, bah, je parlais de Didier, mais il y a un autre projet en cours avec qui je travaille, un auteur avec qui j'avais travaillé depuis longtemps, qui s'appelle Hugues Loria, qui a été aussi travailleur sociaux et qui est maintenant un peu en retraite, et pour qui il fait une comédie musicale, et puis il a trois autres projets, un disque personnel. Okay. Et voilà, donc ça c'est un des donc des là tu fais les musiques sur le disque, voilà. Sur la comédie musicale, voilà, lui, il a tout le scénar, c'est okay. Les paroles, etc. Toi c'est la musique, et moi c'est la musique. Alors je lui propose des choses, et puis là, d'un seul coup, encore une fois, c'est le fait du partage de sans espèce de concurrence malsaine, c'est que du partage, non, et du on partage. S'apprend mutuellement. Et alors, tu me dis un projet, mais je peux pas m'empêcher aussi. Il y a plein de trucs. Mais ah bon, pour faire la diversifier de trucs, c'est que un truc que j'avais un petit peu effleuré à l'époque avec mon fils, c'est que j'ai un ami aussi qui est dans le Toulois, qui est un super dessinateur et qui s'appelle Nicolas Lefebvre, avec qui j'enregistre un disque de métal. Donc tu vois qui est complètement. Oui, mais théâtre. Ouais, c'est génial. Et d'un seul coup, pareil, moi je trouve que c'est un mec qui a tellement dédié. Métal, c'est quand même un truc où il y a énormément de différentes sortes. Oui, et puis c'est un monde quand même. C'est un monde, etc. Un monde, hein. Et moi, ça m'intéresse parce que d'un seul coup, c'est quelque chose que je connais peu, qui est pas nouveau non plus. Et voilà, qui d'un seul coup, je dis, ah bah tiens, c'est super. Et on s'éclate parce que pareil, il y a un partage de trucs. Ah, c'est chouette. Le fait de faire découvrir des trucs et puis d'enregistrer ça, de comprendre le style de mixage que c'est par rapport à des trucs que j'ai jamais trop tu fait. Tu te nourris en fait. Ah, complètement, ouais. On va faire une deuxième coupure musicale, Jean-Michel, toujours de ton choix. Alors, si j'ai bien noté, Brother to Brother de Gino Vanelli. Merci, parce que j'ai très mal écrit, comme d'habitude. Alors, pourquoi ce choix, Jean-Michel? Ah, parce que Gino Vanelli fait partie des artistes que j'ai découvert quand j'avais une trentaine d'années et qui m'ont fasciné parce que d'un seul coup, c'était un mélange de jazz, de rock, de mélodies monstrueuses que moi, je trouve très, très belles, des arrangements, pff, oh là là. Et quelqu'un qui existe toujours et que je trouve qu'on connaît très peu en Europe. Moi, j'ai connu justement cet artiste par rapport à ce disque-là qui s'appelle Brothers to Brothers. Puis après, il a sorti un autre disque qui a un peu que je réécoute, qui s'appelle Nike Walker, et c'est vraiment quelqu'un, il a une voix pas possible, et je me dis waouh. Ben, tu vas nous le faire découvrir sur voilà. Caprice de lecture, et on revient juste après pour ton actualité. Brother and brother, Caprice de lecture sur Fadjet. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de cette émission Caprice de lecture, toujours en présence de Jean-Michel Vecle. Alors Jean-Michel, si on veut retrouver ton actualité, tu me dis que tu as un site internet. Oui, j'ai un site internet. J'ai un site internet, je fais Zout, mais qui est en fin de compte beaucoup basé sur mon studio qui s'appelle le Studio Dupuis, okay. À Dongermain. Donc là-dessus, on peut me retrouver, on peut retrouver l'actualité de ce que je fais, ouais. Surtout au niveau discographique et enregistrement. Les auditeurs peuvent t'envoyer un petit message s'ils ont envie, tu réponds. Je réponds. Bien. Si jamais ils veulent te rencontrer en concert. Alors, en concert, c'est dommage, on a eu un concert avec un autre projet avec lequel je participe, qui est un super truc, qui s'appelle Fuite de Jazz. C'est un big band de jazz, okay. Qui est dirigé par mon ami Stéphane Garafi, qui est le directeur du Conservatoire de Commerce. Et il n'y aura pas une rediffusion en 2026 si, d'ici là, je crois qu'il y a les fêtes de fin d'année, donc ça va se finir. Voilà. Donc, on peut me trouver là-dessus. J'ai aussi un spectacle sur Boris Vian, que j'ai vu jouer à Tomblaine, oui. Et qu'on rejouera sûrement dans le coin aussi. D'accord. Et puis une troisième chose aussi avec lequel je participe, qui est un groupe où on fait plein de choses de standards de jazz, de musique indienne, qui s'appelle Whisky Mandarine, avec d'autres musiciens. Donc pareil, on est souvent dans la région. On retrouve sur ton site. Et tout ça, on le retrouve sur mon site. Et c'est parfait. Merci Jean-Michel d'avoir accepté cette invitation. C'était génial. On a parlé musique. J'ai découvert plein de choses. C'était cool. Et on se dit à très vite pour de nouveaux épisodes de Caprices de lecture. Au revoir. Au revoir.